L'homme de lettres. Chapitre 1. Je crois, mon cher Jean, dit l'oncle Régalard, que tu feras bien de rester avec moi au billot. Ton père, que j'ai vu aujourd'hui à Saint-Pierre-sur-Dive, te réclame. Mais il est assez exaspéré contre toi. Il vaut mieux pour tous deux que vous ne vous voyiez pas souvent. Ah, il est furieux, et pourquoi? Il prétend que tu rates ta vie. Il est moins furieux que mécontent. J'exagérais un peu. Au fond, ton père et ta mère t'aiment beaucoup. Et s'ils te tourmentent, c'est par excès d'amitié. Ah, je le sais bien, ça a été toujours comme ça. Mais ce qui m'ennuie, c'est que tout leur est dicté par la question d'argent. Va, je les connais aussi. Tu me diras que certains détails choquants enlèvent tout le bien d'une chose. S'ils rendent un service, ils le font sentir. Et s'ils ont raison, c'est avec l'insolence des gens forts de leurs droits. Moi aussi, l'héritier, j'ai eu à me plaindre d'eux. Autrefois, quand j'étais encore dans le commerce, j'ai eu à me plaindre de tes parents. Un jour que j'étais gêné pour un paiement, je leur ai demandé une avance de 1 000 francs, qu'ils auraient pu me faire. Ils me l'ont refusé. Est-ce que je me suis fâché? Pas du tout. Il faut être plus accommodant, tu sais. Tu es jeune et tu en verras bien d'autres dans la vie. Tu as l'air de t'ennuyer depuis quelques jours. Hein, tu ne réponds pas? Ah, c'est que le billot n'est pas comme à Paris. Va, tranquillise-toi, tu y retourneras. Mais tu ne fais plus de peinture et de paysage. Jean n'osa pas répondre qu'il avait trouvé mieux. Chaque soir, avant de se coucher, Jean, seul dans sa chambre, lisait un des livres que son ami Varé, retourné à Saint-Pierre-sur-Dive et resté fidèle dans le malheur, lui envoyait par l'entremise des domestiques. Jean s'en cachait un peu. Sa mère n'avait-elle pas dit « ce sont les lectures qui l'ont perdu ». Le père Régalard n'aurait qu'à être pris de la même idée, lui qui n'aimait pas les livres, disant que le bon sens et la réflexion remplacent toute science et que jamais un roman ne l'avait intéressé. Comment lui avouer que l'ancien peintre voulait se livrer à la littérature? Jean, que l'aventure du portrait de M. Darrel avait momentanément aplati, rebondissait depuis quelques jours. Il était forcé de s'avouer que les études premières de la peinture lui faisaient défaut, et le long travail des débuts l'effrayait trop pour qu'il s'y livrât. Mais si sa main avait été malhabile, le cerveau fonctionnait toujours. Parce qu'il n'avait pas de métier, en était-il moins artiste? N'en avait-il pas moins la compréhension du beau? Il était paysagiste, comme il l'avait affirmé récemment. Mais le pinceau est-il seul capable de reproduire la nature? Non, le pinceau est même inférieur à la plume. Témoin Fromentin, qui après avoir jeté sur 100 toiles les aspects du désert, désespéra de jamais rendre ses sensations et ses visions exactes sur un tableau et écrivit son chef-d'œuvre « Le Sahara ». Jean n'avait-il pas de merveilleuses dispositions? Ses premiers essais poétiques en faisaient foi. Il allait se mettre à bûcher ferme. Il fallait qu'avant 6 mois, son volume parût chez un éditeur quelconque, à Paris, Paysage normand, et le titre flamboierait dans la vitrine des marchands de journaux de Saint-Pierre-sur-Dive. Les railleurs et les envieux auraient le bec fermé. « Le tableau, c'est bien, mais le livre, c'est mieux », se disait-il. Quand une toile a été exposée au salon annuel, dans les expositions du Cercle, ou chez les marchands des boulevards, quelques personnes seulement l'ont pu voir. 1 000, 2 000, 20 000. Alors le tableau acheté par un négociant américain est relégué dans une galerie ou dans un cabinet de dentiste. Parfois l'État l'enverra orner un musée lointain de la province. Et puis c'est tout. La gloire du peintre est toute factice. Tout le monde a beau connaître le nom de Praxitèle, qui donc s'intéresse à ce grec dont les œuvres sont détruites depuis des milliers d'années. Qui saurait même qu'il exista si les littérateurs en avaient loué ses œuvres? Et la gloire de l'homme de lettres a ce caractère d'intimité charmante qui la rend bien supérieure à celle des autres célébrités. Le livre va partout. Ceux qui frissonnèrent au rythme d'une belle phrase se pâmeront avec reconnaissance au nom de son auteur. Et Jean, qui avait trouvé ses bonnes raisons pour se faire homme de lettres, avait décidé de lancer avant 6 mois son premier volume. Les paysages normands seraient vite écrits. Mais Jean voulait frapper un gros coup. Il mettrait dans son œuvre tant de sincérité qu'il était sûr du succès. Pour mieux connaître le sujet à traiter, il résolut, avant de se mettre au travail, de parcourir du matin au soir, pendant un bon mois, tout le canton. Le livre se diviserait en 4 parties. Les saisons. Il décrirait la campagne sous ses divers aspects, et il allait commencer par l'été, bien que la fin en approchât. Le lendemain, Jean, au lieu de faire la grasse matinée, se leva en même temps que les domestiques. Par malheur, dès qu'il eut mis le pied dehors, une pluie commençait à tomber, qui le força à rentrer à la maison. « Bah, se dit-il, je vais attendre que ça soit fini. »« Oui, il y en a pour une petite demi-heure, lui dit un domestique, dont on écoutait toujours les prévisions météorologiques. » La pluie fine se fit averse et tomba pendant 5 jours. « Ah, que la campagne est monotone pendant la pluie !» se dit Jean. Et il ne lui vint pas l'idée de la décrire sous cet aspect. Il la voulait toujours belle et ne la comprenait qu'ainsi. Voudrait-on qu'un amant orgueilleux de sa maîtresse la montrât sous un jour et dans un moment défavorable ? Et Jean passa ses 5 journées à manger, à boire, fumer, lire et faire des parties de domino avec l'oncle Régalard, qui souffrait un peu de ses rhumatismes pendant les temps humides. La pluie fouettait les vitres, les brouillant et empêchant la clarté de pénétrer dans la grande pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger. De temps en temps, la lourde porte s'ouvrait. Un des valets de ferme entrait, apportant avec lui toute la tristesse, le vent et l'eau du dehors, mouillant les pavés et laissant par place la boue collée à ses sabots. Le feu clair jetait une note rouge dans cette grisaille. Jean, pour passer le temps, continuait après le repas à prendre, à petite tasse, son café arrosé d'eau-de-vie de cidre. Et au bout de quelques verrées, lui revenait un peu de gaieté, qui se traduisait par des écrits d'aventures imaginaires survenus à Paris. Les valets de la ferme l'écoutaient avec presque de l'admiration. « Qui cauche ben, qu'il cauche ben ?» Enfin, le beau temps revint. Le soleil brillait sur les arbres, dont les feuilles mouillées étaient plus vertes. Tout l'oisillage piaillait dans les pommiers. Jean alla se promener à travers les cours, puis enfila un chemin encaissé qui montait entre des talus hauts de 2 mètres, surmontés de haies de saule et de coudriers. D'un têtard de chêne dépouillé partit un gros corbeau qui croassait. « C'est une estrade, » dit Jean, « c'est signe de malheur, à ce que prétendaient les anciens. » Et il continua sa route. Des grenouilles cachées sous les pierres sautaient dans les ornières profondes où coulait une eau claire. Et Jean se sentait grandir, aspirait fortement l'air chaud, un peu humide. Arrivé au haut de la côte, devant une large avenue d'ormes qui conduisait au château, Jean aperçut tout au bout un cavalier et une amazone, qui, au trot, venaient au-devant de lui. « Tiens, pensa-t-il, c'est de l'Octave Feuillet. » Il avait la mauvaise habitude de coller des étiquettes à toute chose et de ne rien voir qu'à travers ses lectures. Les 2 cavaliers passèrent. C'était le châtelain et sa fille. Jean les salua et continua sa route. Il revint à la ferme le soir.